vivre dans Soum Soum avec ma douce. Je vous en veux pas, papa, même si vous parlez tous. Tu les sors de la bouse, tu leur donnes des coups de pouce. Après, ils tournent leur blouse, tournent leur blouse. Et après, ils te renient, je m'en suis toujours pas remis. Ça cherche la merde, ça la remue. Ça fait des poussettes comme si ça tendait des remises. C'est des robots, c'est plus des humains. Y'en a beaucoup, ils m'ont déçu, moi. Je veux pas les rabaisser devant les gens, j'ai tout pris sur moi. Je me lève et j'écris, je joue à Call of ou à Fifi. Y'a du vent et il fait gris. Chez Neuf, y'a pas de wifi. Je fais pas la pute, je préfère mourir. Cherche pas la guerre, personne va secourir. Ils ont brisé le cœur, j'ai plus envie de sourire. Pas de nouveaux collègues, on est pas là pour souffrir. Je m'en suis sorti, j'ai rien demandé. Combien de temps j'ai sorti, je veux mourir en paix. J't'ai ouvert mon cœur, maintenant y'a des orties. J'ai passé devant un pute, j'avais les yeux bandés. Rien que t'enchaînes, nana, c'est pas la peine. Ouais, ouais, rien que t'engraines mon sang de la veine. Para pa pou pou pou, para pa pou pou pou, para pa pou pou pou, para pa pou pou pou. J'suis pas le voyant avec les anciens, à part si l'ancien t'es mini qu'un mort. Jules si Jules a mais moi, j'ai jamais mis tout le monde d'accord. J'suis loin de la zone, là je fais les sous. Me racontez pas vos problèmes, me dites plus à baiser. J'suis devenu sourd, mais j'fais pas la veille. J'vois vos actions, j'vois les accès. T'as reconnu l'accent. Love.